Mesdames et messieurs, vous êtes bien sur Isanganiro. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les principaux titres. Certains habitants de la capitale économique Bujumbura s'étonnent de la revue à la hausse du prix du ticket de transport en commun, alors que les difficultés liées au déplacement persistent. Vous les entendrez dans ce journal. Le Sénat burundais a approuvé le nom de Manirakiza Léonard comme nouveau procureur général de la République en remplacement de Sylvestre Nyandwi qui occupait ce poste depuis 2016. L'intention du Sénat de revoir si l'application des quotas d'équilibre ethnique est toujours opportun. L'acteur politique Léonce Ngendakumana trouve que ce travail devrait être fait avec précaution. Vous le suivrez dans ce journal, de même que l'analyse du professeur Évariste Ngaïmenda. Et l'Office burundais des recettes, OBR, appelle les contribuables à payer de bonne foi les impôts et taxes dans les délais de paiement, car les retardataires risquent de se voir leur établissement commercial fermé. C'est l'annonce faite par Stanning Ndakumana, porte-parole de cet office. Et dans la chronique santé, on vous parle du marasme, qui est une maladie nutritionnelle. Mesdames et messieurs, au micro de ce journal, à la présentation, vous êtes avec Raissa Liliane Inamahoro. La mise en onde est assurée par Alphonse Koubguiman. Isanganiro, la radio de l'avenir. Encore une fois, bienvenue. Manirakiza Léonard, d'ethnie Hutu, natif de la province Muramvya, a été approuvé ce lundi par le Sénat burundais, réuni en session extraordinaire, a été élu ce mardi plus tôt comme procureur général de la République en remplacement de Sylvestre Nyandwi, procureur général depuis 2016. Le Sénat a également approuvé 8 nouveaux magistrats de la Cour suprême. Et ces magistrats qui sont des juges élus à la Cour suprême, il s'agit d'Obara Gengana Modeste Tutsi de Bujumbura, Bizimana Clotilde Hutu de Gitega, Kaneza Alice Hutu de Bubanza, Havyarimana Laurent Hutu de Bururi, Habonimana Josiane Hutu de Rumonge, Nukamadzina Thomas Hutu de Mwaro, Mundwanimana Alexis Hutu de Kirundo, Nshimirimana Deo qui est Tutsi de Muyinga. Et vous saurez que les noms de ceux qui viennent d'être approuvés ont été proposés par le président de la République. Les quotas ethniques ont été instaurés dans l'accord d'Arusha pour la paix, la réconciliation, afin d'éviter des divisions ethniques. À propos de Léonce Ngendakumana, un des signataires de cet accord, il le dit au moment où le Sénat prévoit d'analyser si l'application de ces quotas est toujours opportune. Cet acteur politique appelle le Sénat burundais à faire une évaluation minutieuse. Suivez-le. Les quotas, que ce soit des quotas ethniques ou du genre, nous avons examiné profondément la nature du conflit burundais, ses causes et ses conséquences. Une des conséquences du conflit burundais, c'est l'exclusion. On parle aussi du génocide. Alors nous nous sommes dit que parmi les remèdes qu'il faut pour le règlement de cette question, on a pensé aux quotas ethniques et à l'intégration du genre dans les institutions. L'intégration aussi des minorités, des différentes minorités. Nous avons abouti à ces quotas avec de longues et dures négociations. Je vois certains membres de l'ethnie Tutsi, le combat qu'ils ont mené. Je vois les femmes, le conflit que les femmes ont mené ici dans le pays. Je les ai vus à Kambara pour aller voir le président de l'initiative régionale pour la paix au Burundi, le président Museveni. Je les ai vus à Arusha. Je les ai vus lorsque nous avons fait adopter cet accord d'Arusha. Je les ai vus aussi dans beaucoup d'ateliers, de séminaires organisés sur l'accord d'Arusha. Ça n'était pas assez facile. Donc, je conseille au Sénat, qui est une institution élue du peuple et qui doit représenter et défendre les intérêts du peuple, les intérêts du citoyen burundais, d'être prudente dans l'accomplissement de cette tâche, car il y a encore une partie de tous ou des Hutus qui se reconnaissent, il y a une partie des femmes qui se reconnaissent. Il faudra fondamentalement écouter ces différentes catégories et ne pas tenir compte uniquement de leur parti d'origine ou de leurs ethnies. Le Sénat doit tenir compte de tout cela en analysant les contours de cette question pour que demain ou après-demain, on ne retombe pas dans les mêmes travers. L'évaluation du système des quotas ethniques devait au moins avoir eu lieu avant la constitution de 2018. Professeur Évariste Ngaïmenda considère qu'une telle analyse porterait nécessairement sur l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation qui a instauré ces quotas. Pour ce politicien du parti Uprona qui a également fait une analyse de l'accord d'Arusha, la mise en œuvre de ces quotas comporte encore des défis. Je vous prie de le suivre. La logique des quotas a été consacrée par l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. En fait, cet accord avait mis au point deux mécanismes importants qui étaient censés progressivement mettre fin au conflit burundais. Une logique institutionnelle de partage de pouvoir et une logique, je dirais, sécuritaire de partage ethnique des corps de défense et de sécurité. De manière à ce qu'on évite la dictature du nombre. Et le Sénat avait précisément été conçu pour veiller sur le respect de ces équilibres, conçu encore une fois de manière à asseoir un partage de pouvoir de manière à éviter les monopoles qui étaient perçus comme source de conflits, source de tensions, source même de massacres. Aujourd'hui, l'objectif qui émane de cet accord a déjà été atteint ici au Burundi. Cet objectif, je ne crois pas qu'il ait été atteint. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'évaluation qui a été faite. Je viens de voir qu'il y a une invitation qui vient d'être lancée par le Sénat pour un atelier avec pour objectif d'évaluer cette mise en œuvre. Mais ça me laisse assez perplexe parce que cela aurait dû être fait avant le changement de la constitution du 13 mars 2005. L'accord d'Arusha, c'est vrai, c'est un accord entre Burundi, mais c'est un accord qui a été conclu avec le parrainage et avec l'appui d'ailleurs multiforme d'autres partenaires, l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne, les pays de la sous-région. Ça veut dire que la révision devrait précisément impliquer ces garants. Et oui, après une courte pause, on poursuit avec ce journal. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais dans les titres de ce journal, l'Office burundais des recettes appelle les contribuables à payer de bonne foi les impôts et taxes. Ils devraient également éviter de dépasser les délais de paiement car selon le porte-parole de cette institution, la nouvelle loi budgétaire 2023-2024 accorde à l'OBR le droit de procéder à la fermeture de tout établissement commercial dont les propriétaires refusent de payer. Stanning Ndakumana l'a dit ce mardi lors d'un atelier de formation des journalistes sur les innovations contenues dans cette loi. Entre autres innovations, la tarification doit se faire uniquement par voie numérique et pour des commerçants qui louent des stands dans des marchés publics, le paiement se fera à travers des comptes de l'OBR et non des communes. Suivez plutôt Stanning Ndakumana, porte-parole de l'OBR. Nous conseillons tous les contribuables à collaborer avec l'Office burundais des recettes, surtout pour les activités urgentes. Là, je citerai l'article 179 qui stipule que tous les contribuables qui font leurs activités commerciales doivent utiliser la machine à facturation électronique. C'est une obligation fiscale à laquelle tous les contribuables assujettis à cette obligation doivent se conformer, faute de quoi ils se verront infliger des sanctions. D'autres dispositions qui font la une, si vous voulez, il s'agit de ces contribuables, les commerçants, qui louent les stands dans les marchés construits par l'État. L'argent qu'ils versaient aux communes ou à la mairie doit être versé sur les comptes que les agents de l'OBR sont en train d'indiquer à ces contribuables œuvrant dans ces marchés. Une grande précision, une précision de taille, c'est qu'il n'existe plus de sous-location. Ça veut dire ces gens qui prennent les stands ou qui prennent tous les marchés pour le sous-louer à des tierces personnes. Avancée significative par rapport aux anciennes pratiques, c'est la télédéclaration et le télépaiement, un processus de digitalisation, d'informatisation qui commence très bientôt. Et tout ce que vous apercevez comme montée exponentielle des impôts, il s'agissait d'harmoniser par rapport aux activités, si je puis dire, de luxe. Mais pour le reste, il s'agit de la volonté du gouvernement à ce que tous les contribuables soient égaux devant les charges de l'impôt. Eh oui, c'était Stani Ngendakumana, directeur de communication en même temps porte-parole de l'Office burundais des recettes. Certains habitants de la mairie de Bujumbura, la capitale économique, se disent étonnés de la revue à la hausse des prix de transport en commun, alors qu'ils observent toujours des difficultés liées aux déplacements. Ceux qui se sont exprimés au micro de la radio-télévision Isanganiro ce mardi trouvent que le problème ne réside pas dans la hausse du ticket de transport, plutôt dans l'indisponibilité des bus causée par le manque répétitif de carburant. Suivez-les. En tant que citoyens, nous ne pouvons pas opposer cette mesure concernant la revue à la hausse des prix du transport, car le gouvernement l'a fait en rassurant sur sa nécessité. Notre demande est que le carburant soit disponible, car le manque du carburant nous préoccupe. Les déplacements, ça ne dit rien, les frais qu'on paye, ça ne dit rien. Le nécessaire sera s'il y aura au moins un bon nombre de bus. Là, ça pourrait au moins faciliter. Ce que je peux demander à l'État, ça ne sera rien de grave, juste que, étant gouvernement du pays, qu'ils s'organisent, comment ils vont faire pour qu'il y ait une circulation des véhicules très facile, et qu'ils s'organisent aussi qu'il y ait de l'essence, ça sera bien. Là, ça va faciliter les moyens de transport plus faciles. Et qu'ils ne trouvent pas ça. Nous demandons d'abord la disponibilité du carburant avant de revoir à la hausse des frais de transport. Ils s'observent toujours le fil d'attente. La question qui nous préoccupe, c'est la pénurie du carburant, raison pour laquelle nous réitérons notre demande au gouvernement de résoudre ce problème. Et oui, poursuivons ce journal par cette page Droits de la femme. Les droits de la femme ont connu une avance au Burundi du fait de leur représentativité dans les instances de prise de décision. Cela a été dit ce mardi par le secrétaire exécutif permanent du réseau Justice et Paix lors d'une conférence publique relative à l'implication des femmes dans les mécanismes de résolution des conflits au niveau communautaire. Abbé Charles Carolero indique pourtant que certaines pratiques liées à la culture burundaise limitent encore les femmes dans l'exercice de leurs droits. Suivez-le. Le changement pour une personne, ça, ce n'est pas deux ans, cinq ans, ça demande du temps, ça demande de la sensibilisation, ça demande la formation dans les livres, mais aussi surtout à partir de l'expérience des autres, l'expérience des bonnes pratiques ici au Burundi, et alors progressivement, le respect de la dignité de la femme va en avant. Nous demandons d'abord que tout le monde reconnaisse l'égale dignité des hommes et des femmes, tous les deux créés à l'image de Dieu et sauvés par le sang de Christ. Une dignité que personne ne leur donne, on la leur reconnaît et on la respecte, mais personne ne peut s'octroyer le droit de, parce que c'est un droit inné. Donc, que tout le monde reconnaisse. La deuxième chose, c'est probablement la conversion de chacun, mais aussi une conversion des structures. Et là, ça sera difficile parce qu'il s'agit de changer le cadre légal. Donc, une conversion des structures, un changement des structures qui va de pair avec un changement de mentalité. Et ensuite, la sensibilisation qui doit continuer avec des exemples à l'appui. Et oui, un petit saut dans les différentes provinces du pays où les élèves en vacances dans la province de Kayanza qui fréquentent les centres de lecture et d'animation culturelle de Gatara et Kayanza déplorent que les livres dotés de ces claques ne concordent pas avec le système éducatif en vigueur. Ils demandent l'approvisionnement des claques en des livres qui sont en conformité avec ce qu'ils apprennent en classe. Sébastien Sindaikengera, directeur général de Cebulac, fait savoir qu'il est au courant de cette situation et promet de trouver solution à ce problème dans un proche avenir. Correspondance signée Patrick Saint-Guillaume. En cette période des vacances d'été, les élèves fréquentent beaucoup les centres de lecture et d'animation culturelle pour se cultiver par la lecture des livres. Pourtant, les élèves rencontrés au Claque Kayanza font savoir que ce centre de lecture et d'animation culturelle fait face à un manque de livres qui sont conformes au nouveau système éducatif en vigueur. Ils demandent que le Claque Kayanza soit doté des livres qui contiennent la matière enseignée à l'école, surtout selon eux, des livres de grammaire française, anglaise et sans oublier des livres d'entrepreneuriat, science et technologies, etc. Minane Crescence, animatrice au centre de lecture et d'animation culturelle Kayanza, confirme les informations fournies par les élèves qui fréquentent le Claque Kayanza. Celle-ci déplore d'ailleurs que le nombre des élèves lecteurs qui se confient à ce centre de lecture tend à diminuer suite au manque des livres qui sont à jour. Même propos avec Stan Nyongabo, animateur du centre de lecture et d'animation culturelle Gatara, qui indique qu'il est nécessaire que les claques soient approvisionnées en livres dont le contenu concorde avec les programmes d'enseignement en vigueur au Burundi. Sébastien Sindaikeng est la directrice générale du Centre burundais pour la lecture et pour l'animation culturelle Sebilac en sigle, indique que le problème est connu. Le directeur général du Sebilac fait savoir que les jours à venir, les claques seront dotées de nouveaux livres, surtout ceux qui ont été rédigés par les Burundais en différentes langues. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiva pour la radio Isanganiro. La chronique santé, le marasme est une maladie nutritionnelle qui apparaît lorsque l'on consomme des aliments trop pauvres en protéines avec un apport énergétique faible. Le chercheur en nutrition Jean-Paul Ouineza indique que cette maladie affecte principalement les enfants en pleine croissance mais qui consomment des aliments ne contenant pas assez de macronutriments. Les personnes atteintes de cette maladie deviennent particulièrement minces. Francine Ndehokoubgaïo pour plus de détails. Le marasme nutritionnel se définit comme étant une forme de malnutrition grave. Elle est due à une insuffisance énergétique globale, comme nous le dit le chercheur en nutrition Jean-Paul Ouineza. Le marasme nutritionnel est une maladie qui touche les personnes ayant des carences surtout alimentaires. Et aussi, le marasme peut être infectieux, au fait causé de causes infectieuses ou bien pathologiques, caractérisé par une atrophie agressive des organes et aussi qui est suivi par un amaigrissement extrême. Alors, sur ce, nous pouvons constater des personnes qui perdent des poids, des amaigrissements visibles comme ça, des amaigrissements physiques. La principale origine de cette maladie est un manque important de nutriments dans les aliments consommés. La personne qui a un problème protéino-calorique ou bien protéino-énergétique, cette personne présente aussi du marasme. En fait, c'est la personne qui a de la dénutrition, qui manque des protéines, qui manque des hydrates et des carbones nécessaires, qui manque aussi des lipides, parce que le marasme aussi montre la sécheresse de la peau comme ça, et aussi des nitrites presque déshydratés comme ça. Ces examens-là qui montrent que la personne est quand même à des choses insuffisantes pour question de ces nutriments. Tous ces examens quand même doivent être effectués. Certaines maladies, comme la tuberculose, peuvent aussi influer sur l'apparition ou non du marasme, selon Ouineza. Le paludisme, comme la tuberculose, comme d'autres très maladies infectieuses, comme aussi des vers intestinaux. Vous verrez des enfants qui soufflent. Ces enfants peuvent quand même avoir des nutritions qui peuvent causer des marasmes. Les causes sont multiples. On peut constater aussi la diarrhée sous forme de causes infectieuses et aussi des infections chroniques. Il y en a d'autres choses comme la famine. Les personnes peuvent manquer des nutriments essentiels que l'organisme devait avoir. En fait, le marasme peut être causé par des guerres. Les personnes ne sont pas capables de se procurer les nutriments nécessaires, les aliments nécessaires, et qui peuvent quand même couvrir les besoins nutritionnels. Plusieurs facteurs peuvent permettre aux médecins de conclure en cas de marasme. S'il n'est pas traité à temps, il peut conduire à de graves conséquences, surtout chez les enfants. On y reviendra dans notre prochaine chronique santé. Et c'est par ici que se boucle ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci Alphonse Koubguimana pour ta parfaite collaboration technique. Ce journal vous a été présenté par Aïssa Liliane Inamahoro. Très bonne suite des programmes sur la radio-télévision Isanganiro. Au revoir.